Samedi Noir sur France Culture. Merci François Angelier. Bonsoir. Samedi Noir, effectivement, une émission un petit peu particulière. Un noir très particulier ce soir. Lire dans le noir, une émission consacrée ce soir au livre audio. Mais je crois qu'on commence par une petite surprise, une voix que les auditeurs de France Culture connaissent bien. Est-il pour moi lieu plus épargné, abri plus sûr, retraite plus paisible qu'un studio d'enregistrement où, enfermé de toutes parts, encapitonné, devant le seul micro, je lis, à voix haute, sans effort de projection, dans le médium, 2 ou 3 heures durant, les pages d'un livre. Le monde est alors celui de ce livre. Les vivants, les morts, le temps, l'époque, l'histoire, au milieu desquels je me transporte, sont ceux de ce livre. Voilà la voix de Denis Podalydès, Blandine Masson, pour l'ouverture de cette émission toute spéciale. Oui, la voix de Denis Podalydès, qui est en fait le début de son livre, qui s'appelle donc Voix Off, qui raconte son grand goût pour les voix. François Angelier, est-ce que vous écoutez de temps en temps des livres audio? Ça m'arrive, puisque de plus en plus, et j'en suis content, la littérature de genre, que ce soit le fantastique, la fantasy ou le polar, font l'objet de livres audio. Donc je les écoute et c'est encore plus effrayant quand on les appréhende de cette manière. Non seulement on lit dans le noir, mais on lit du noir et on entre dans le noir de noir. Voilà. Alors donc ce soir, c'est un samedi vraiment noir, donc... Toute une émission d'une heure, on vous retrouvera François Angelier à 22h. Oui, pour Mauvais Genre, où je reçois ce soir quelqu'un qui pourra tout à fait faire l'objet de livres audio, c'est Serge Brussolo, qui aime beaucoup d'ailleurs lire ses textes. Donc à tout à l'heure François. À tout à l'heure. Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc une émission tout à fait spéciale, pas vraiment de fiction, un peu entre le magazine, mais aussi la lecture, puisqu'on entendra de nombreux extraits lus. Donc une émission consacrée au livre audio et plus particulièrement une association qui s'appelle donc Lire dans le noir, qui est une association qui est née au cœur de Radio France. Et le 26 novembre dernier, cette association Lire dans le noir a décerné ses prix dans 4 catégories. Des prix pour le livre audio. Alors nous entendrons ce soir des extraits de ces livres, nous entendrons aussi ceux qui ont reçu les prix et puis nous terminerons tout de même cette émission par un hommage à la radio qui est aussi un lieu de production de lecture et de fiction qui s'écoute parfois dans le noir aussi, en tout cas souvent à la radio et puis aussi, il faut le dire, de plus en plus sur Internet avec ce qu'on appelle les téléchargements et puis... les podcasts. Alors, nous allons ouvrir cette émission avec Aurélie Kiffer, qui est journaliste, qui appartient à la rédaction de France Culture. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Kiffer. Et puis Stéphane Devernet, qui est technicien à Radio France. Bonsoir. Et donc, est-ce que vous pourriez nous donner la genèse de cette association donc, qui s'appelle Lire dans le noir, et dont on a beaucoup parlé ce soir, et qui est vraiment, je crois, qui est toujours installée ici à Radio France et qui est née un peu d'ici, finalement. Oui, qui est né ici, effectivement. En fait, Lire dans le noir, au départ, c'est avant tout une histoire d'amitié. C'est une rencontre avec un garçon extraordinaire qui s'appelait Julien Prunet, qui était aveugle et qui a réussi à devenir journaliste à France Info, donc à Radio France, qui est quelqu'un qui avait une très, très grande curiosité, un grand appétit du monde, qui était avide de découvertes. Et pour ça, bien évidemment, il était très en demande de lecture. Alors pour lui, c'était des livres en braille et des livres audio. Et autant il arrivait à se procurer des titres de l'actualité littéraire ou des essais, des documents en Angleterre, autant en France, il n'arrivait pas du tout à avoir accès à ce type d'enregistrement. Et Julien, c'était quelqu'un d'extrêmement énergique, qui a bluffé, je crois, toutes les personnes qui l'ont rencontré. Et un jour, il a fait ce que personne parmi ses proches n'imaginait, il s'est suicidé. Et comme pour nous, l'histoire de Julien ne pouvait pas s'arrêter là, eh ben on a inventé une suite avec Lire dans le noir. Et donc nous, ses proches, les gens qu'il aimait, qu'il fréquentait à Radio France, on s'est dit qu'on pouvait mettre nos compétences radiophoniques au service du livre audio. Et en fait, on a comme ça commencé à enregistrer des livres avec le soutien de grands auteurs, Jean d'Ormesson, Daniel Pennac, Christian Bobin, Didier Van Cuvelaert, etc. Et en fait, on a fait des enregistrements à Radio France, avec les techniciens de Radio France, dans les studios de Radio France. On a édité ces enregistrements et on a demandé aux libraires de présenter ces livres audio à côté des livres papier pour que vraiment le lien soit bien fait entre les deux et pour que les aveugles puissent facilement se procurer ces ouvrages, mais que le grand public aussi puisse les découvrir et les apprécier. Puisque le livre audio, on va sans doute le dire aujourd'hui, ça s'adresse évidemment bien plus, bien au-delà des aveugles, ça s'adresse à tout le monde. Alors, je propose qu'on entre tout de suite dans la matière du livre audio avec le premier prix qui a été décerné donc par Lire dans le noir. C'est un extrait de Mapuche de Caryl Ferret qui est lu par Féodor Atkin, collection Gallimard Écoutez lire. C'est donc le prix dans la catégorie nouveauté. On écoute tout de suite et après on retrouvera le président de l'association Lire dans le noir. On écoute tout de suite un extrait de ce livre audio. Las putas al poder, sus hijos ya están en él. Les putes au pouvoir, leurs fils y sont déjà. Le graffiti plastronnait sur les tôles du hangar, tagué en rouge sang. Yana avait 19 ans à l'époque, mais la rage restait intacte. Toutes les classes dirigeantes avaient participé au hold-up. Politiciens, banquiers, propriétaires du secteur tertiaire, FMI, experts financiers, syndicats. La politique néolibérale de Carlos Menem avait enfermé le pays dans une spirale infernale, une bombe à retardement. Accroissement de la dette, réduction des dépenses publiques, flexibilité du travail, exclusion, récession, chômage de masse, sous-emploi, jusqu'au blocage des dépôts bancaires et à la limitation des retraits hebdomadaires à quelques centaines de pesos. L'argent fuyait, les banques fermaient les unes après les autres. Corruption, scandale, clientélisme, privatisation, ajustement structurel, externalisation des profits. Menem, ses successeurs aux ordres des marchés, puis la débâcle financière de 2001-2002, avaient parachevé le travail de destruction du tissu social entamé par le processus de réorganisation nationale des généraux. La crise s'était muée en banqueroute. L'Argentine, dont après-guerre le PIB égalait celui de l'Angleterre, avait vu la majorité de sa population plonger en dessous du seuil de pauvreté, un tiers sous le seuil d'indigence. Une misère noire. Des enfants s'évanouissaient de faim dans les écoles. On avait dû laisser les cantines ouvertes en période de vacances pour qu'ils puissent recevoir leur seul repas de la journée. Dans les barrios, les gamins de Quilmes comparaient le goût du crapaud grillé à celui du rat. D'autres volaient les câbles en cuivre des lignes téléphoniques, les couvercles en aluminium protégeant les circuits électroniques des feux de circulation, les plaques de bronze des monuments. Yana avait vu des vieilles s'écorcher les mains aux grilles des banques, des vieux pleurer en silence dans leurs costumes élimés sortis pour l'occasion, et puis la colère des gens ordinaires. Les premières émeutes, les pillages des supermarchés, montés en épingle par les médias comme témoignage d'insécurité plutôt que de détresse. « Que se vayan todos y que no quede ninguno. » Qu'ils s'en aillent tous et qu'il n'en reste aucun. Les charges des policiers à cheval pour disperser les manifestants à coups de cravache, les cocktails Molotov, les cortèges, les fumées, des femmes matraquées, leurs filles traînées sur les trottoirs, les tirs tendus sur la foule, 39 morts. Leur sang dans les rues et les places de la capitale, l'état de siège décrété par le président de la Rua, la contestation qui grossit, les concerts de casseroles et les cris. L'état de siège, on n'en a rien à foutre. Le blocage des routes par les piqueteros, les foulards sur les visages des jeunes, leurs torses nus offerts aux balles, les pavés, les vitrines qui explosent, les jets de pierre sur les blindés, les canons à eau, les sections anti-émeutes, les boucliers, les cris des mères, les drapeaux argentins brandis en guise de défi, la peur, le feu, les déclarations à la télévision d'État « Que se vayan todos !» C'était donc un extrait de Mapuche de Caryl Ferret, donc qui a eu donc le prix dans la catégorie nouveauté. Les autres titres étaient Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, lu par l'auteur chez Audiolib, et puis Kinder Zimmer de Valentine Gobi, lu par Pauline Hurugen aux éditions Télém. Stéphane Devernay, vous êtes le président, vous, de l'association Lire dans le Noir, et vous êtes technicien à Radio France. Donc vous avez, c'est une longue histoire, Lire dans le Noir, on ne peut pas tout raconter ce soir, mais il y a eu l'édition, et il y a eu ce désir de décerner des prix, donc de diffuser, de faire entendre ces textes. De faire la promotion, puisque pour continuer l'histoire qu'a raconté Aurélie tout à l'heure, à un moment, il se trouve que les éditeurs se sont engouffrés dans le chemin qu'on avait commencé à tracer. Gallimard, Audiolib, Hachette, et voilà. Et on s'est dit, maintenant, faisons la promotion du livre audio. Il y a assez de livres audio comme ça. L'idée maintenant, c'est de faire avancer l'idée toujours du livre et de faire cette promotion. Et donc de décerner les prix des meilleurs livres audio tous les ans. Et donc ça fait 6 ans maintenant qu'on réalise ce prix. Et vous avez constitué un jury ? Chaque année, c'est toujours le même ou vous changez ? Le jury évolue au fur et à mesure. Il évolue au gré des années. Il y a des gens de Radio France, évidemment, parce que l'association est là. Mais on essaye aussi d'avoir des libraires, des bibliothécaires, des auteurs, des écrivains, des comédiens. Ce soir, il y aura 2 membres du jury dans cette émission. Sophie Massieu, qui est journaliste, et puis Jean-Marie Ozanne, qui est libraire, éditeur à Montreuil. Et puis j'entends un chien. C'est le chien de Sophie. Sophie, il y a un chien qui approuve tout ce que dit Stéphane, bonjour, qui approuve et qui du coup dort de manière sonore et ronfle. Voilà. Donc si vous entendez des grognements, ça n'est pas Stéphane que l'on a apprivoisé, mais c'est la chienne qui est moins apprivoisée et qui est à nos côtés. Stéphane de Vernet, pourquoi vous avez en fait constitué 4 catégories, nouveautés, classiques, documents et jeunesse? Au départ, il y avait 3 catégories. Il n'y avait pas les documents. C'était la production régulière qui existait dans le livre audio. On s'est aperçu que les documents prenaient de la place aussi. Donc on a souhaité aussi étendre à cette catégorie. Et puis pour vraiment remettre plus de prix, en fait. Enfin, voilà, remettre qu'un seul prix, c'était difficile de choisir entre un roman, une nouveauté et un classique, ou un roman jeunesse. Donc on a souhaité séparer vraiment en 4 catégories. Et vous-même, vous écoutez les livres audio ? Je les écoute pour le prix, je les écoute pour le plaisir aussi. On parlait de radio tout à l'heure, moi je suis un enfant de la radio aussi. Enfin, quand j'étais ado, j'écoutais France Culture, les dramatiques le soir, et voilà. Et il n'y avait pas encore de livres audio. Et quand le livre audio est arrivé, j'ai commencé à en écouter. Ah, je propose qu'on écoute tout de suite un deuxième extrait, en fait, dans la catégorie donc classique, parce qu'on va, nous allons voir toutes les catégories. Dans la catégorie classique, le prix, en fait, par le jury, a été décerné à La Promesse de l'Aube de Romain Gary, lu par Hervé Pierre de la Comédie Française, et toujours chez Gallimard. Écoutez lire Gallimard, le grand vainqueur ce soir de Lire dans le noir. C'est fini. La plage de Bixour est vide, et je demeure couché sur le sable à l'endroit même où je suis tombé. La brume marine adoucit les choses. À l'horizon, pas un mât. Sur un rocher devant moi, des milliers d'oiseaux. Sur un autre, une famille de phoques. Le père émerge inlassablement des flots, un poisson dans la gueule, luisant et dévoué. Les hirondelles de mer atterrissent parfois si près que je retiens mon souffle et que mon vieux besoin s'éveille et remue en moi. Encore un peu, et elles vont se poser sur mon visage, se blottir dans mon cou et dans mes bras, me recouvrir tout entier. À 44 ans, j'en suis encore à rêver de quelque tendre et essentiel. Il y a si longtemps que je suis étendu sans bouger sur la plage, que les pélicans et les cormorans ont fini par former un cercle autour de moi. Et, tout à l'heure, un phoque s'est laissé porter par les vagues jusqu'à mes pieds. Il est resté là, un long moment, à me regarder, dressé sur ses nageoires, et puis il est retourné à l'océan. Je lui ai souri, mais il est resté là, grave et un peu triste, comme s'il savait. Ma mère avait fait 5 heures de taxi pour venir me dire adieu à la mobilisation à Salon de Provence, où j'étais alors sergent instructeur à l'école de l'air. Le taxi était une vieille Renault délabrée. Nous avions détenu pendant quelque temps une participation de 50 puis de 25% dans l'exploitation commerciale du véhicule. Il y avait des années maintenant que le taxi était devenu propriété exclusive de son ex-associé, le chauffeur Rinaldi. Ma mère, cependant, avait tendance à croire qu'elle possédait toujours quelques droits moraux sur le véhicule, et comme Rinaldi était un être doux, timide et impressionnable, elle abusait un peu de sa bonne volonté. C'est ainsi qu'elle s'était fait conduire par lui de Nice à Salon de Provence, 300 kilomètres, sans payer, bien entendu, et longtemps après la guerre, Le cher Rinaldi, grattant sa tête devenue toute grise, se rappelait encore avec une sorte de rancune admirative comment ma mère l'avait mobilisé. Elle est montée dans le taxi et puis elle m'a dit tout simplement « À Salon de Provence, on va dire adieu à mon fils. » J'ai essayé de me défendre, ça faisait une course de 10 heures aller-retour. Elle m'a immédiatement traité de mauvais français et elle a menacé d'appeler la police et de me faire arrêter parce qu'il y avait la mobilisation et que j'essayais de me dérober. Elle était installée dans mon taxi avec tous ses paquets pour vous, des saucissons, des jambons, des pots de confiture, et elle me répétait que son fils était un héros, qu'elle voulait l'embrasser encore une fois, et que je n'avais pas à discuter. Puis elle a pleuré un peu. Votre vieille dame, elle a toujours pleuré comme un enfant. Et quand je l'ai vue là dans mon taxi, après tant d'années qu'on se connaissait, pleurant silencieusement, avec son air de chien battu, je vous demande pardon, monsieur Romain. Mais vous savez bien comment elle était. J'ai pas pu dire non. C'était donc Hervé Pierre qui lisait donc un extrait, enfin c'était plutôt un extrait de la très longue lecture de La promesse de l'aube de Romain Gary par Hervé Pierre. Paul Dubouchet, vous dirigez cette collection Écoutez lire chez Gallimard. Donc je disais tout à l'heure que vous étiez Gallimard était grand vainqueur de cette sélection cette fois-ci de Lire dans le noir, puisque effectivement Mapuche de Caryl Ferret et puis La promesse de l'aube de Romain Gary. Des immenses lectures, parce qu'en fait, Mapuche, c'est je ne sais pas combien, 15 heures de voilà. Des immenses dans tous les sens du terme. Voilà. Mais c'est tout à fait ça, le livre audio. C'est cette incroyable longueur, comme ça, de où on se plonge dans ce texte, dans le livre intégral, finalement. On essaye, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les lectures soient intégrales. Cela dit, il peut arriver, et vraiment pour des raisons littéraires, je trouve. Une lecture à voix haute, c'est bien sûr c'est le livre, c'est la traduction du livre, mais c'est autre chose aussi. Et cette autre chose peut aussi exister quelquefois à travers de légères coupes. Il y a des choses qui sont bien à lecture silencieuse et qui sont moins bien. Et quelquefois, les auteurs eux-mêmes demandent à faire des coupes. Alors, bon, ça, c'est juste un aparté. Mais en effet, l'idée d'un livre est de lire le livre dans son intégralité, en tout cas de restituer cette notion immense, que ce mot que vous venez d'employer, en effet, oui. Alors, ça peut être très long. Et pourquoi c'est si important pour un éditeur d'associer finalement la dimension de l'oreille à la dimension du livre, tout simplement? Je crois que c'est pas seulement important pour un éditeur. Je pense que pour un éditeur, c'est une deuxième vie pour le livre. Mais je crois que un texte lu à voix haute donne vraiment c'est vraiment une mise en abîme et une mise en perspective du livre papier. Je pense qu'on découvre dans un livre lu à voix haute des choses qu'on ne découvre pas simplement à lecture silencieuse. Et j'en veux pour preuve, enfin c'est même une expérience assez merveilleuse quand on travaille avec des auteurs qui disent ah bon, j'ai écrit ça. Ah oui, j'ai donc écrit ça. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de révélation. C'est comme, vous savez, les fleurs de papier, les japonaises que vous mettez dans l'eau et qui s'ouvrent. Je pense que la voix, c'est la présence. Et la présence, c'est le monde. C'est ça la magie de la lecture à voix haute. Comment vous choisissez les livres que vous allez faire lire et comment vous choisissez vos acteurs? Bon, c'est très difficile de choisir parce qu'il y a une proposition d'une telle richesse que voilà, il faut en effet choisir. Il y a d'abord pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne chaque éditeur, je pense, une programmation et un volume limité de programmation en fonction simplement des forces disponibles. Pour ce qui est de Gallimard, prioritairement, je regarde du côté de ce qu'édite Gallimard. Mais pas uniquement. Pardon. Et le choix du lecteur, il est très important aussi, il est très réfléchi. Je pense que vraiment, à tel texte correspond tel lecteur et que c'est comme un vêtement va à telle personne en fonction de la taille, de la couleur de ses cheveux. Il y a des lectures pour lesquelles tel timbre va s'imposer de manière totalement évidente. On en discute en équipe et tout à coup on dit ah ben oui bien sûr, non mais c'est évident comme ça. Alors quelquefois les discussions sont moins évidentes, mais en général un lecteur s'impose quand même pour un texte. Est-ce que j'ai envie de demander à Sophie Massieu qui était avec nous parce qu'elle était au jury, pourquoi elle a tant aimé ces voix là justement? Alors, il est vrai que, pour une fois, mes coups de cœur ont été les prix récompensés. En général, je suis en désaccord avec l'ensemble du jury, donc cette année, je suis très contente. Et notamment, moi, mon énorme coup de cœur, c'est pas parce que vous êtes là, Paul, parce qu'il y a autre chose sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, dont je parlerai après. Mais mon énorme coup de cœur cette année, c'était Mapuche, de Caryl Ferrell, par Fyodor Atkin. Moi, j'ai été emportée par cette voix, d'abord. Une voix, j'aime beaucoup les voix graves, les voix masculines. Et c'est pas le type de livre que je lis habituellement, pourtant. Et je l'ai lu avant même qu'il nous soit envoyé par Gallimard pour le jury du prix du livre audio, puisque j'avais animé une table ronde à laquelle participait Fyodor Atkin. Il avait lu un extrait et quand je suis partie, je me suis dit bon, le prochain sur ma liste, c'est celui-là. Et donc je l'ai lu avant même de savoir qu'il concourrait. Je me suis laissée emporter dans cette histoire par cette magnifique voix. Je peux rien vous dire de plus. Après, ce sur quoi je suis pas d'accord, j'en profite pour vous le dire, même si c'est pas une question que vous m'avez posée. Mais voilà, je prends un petit peu le micro en otage. Moi, je suis pas du tout d'accord lorsque l'on nous sert des lectures qui ne sont que des extraits, parce que les personnes qui, comme moi, ont besoin du livre audio pour accéder au livre, voilà, si on leur lit des extraits et qu'on leur lit que ça, elles n'auront jamais accès à la version intégrale. Or, pour moi, un livre audio, c'est d'abord et avant tout un livre. Mis en voix, certes, mais c'est d'abord le livre, c'est pas une autre création. Donc là, on sera pas d'accord sur ce thème, mais c'est pas très grave, pour exprimer un autre point de vue. Sophie, je suis tout à fait en réalité d'accord avec vous. Je ne parle pas d'extrait, moi, je ne parle pas du tout d'extrait. Hein. Il s'agit dans certains cas. Je vais vous citer simplement. Je viens d'enregistrer Le Royaume avec Emmanuel Carrère. Il a choisi lui-même pour sa lecture audio qui dure en réalité pratiquement 19 heures de couper certains passages qui auraient fait 22 heures et qui en effet je pense que le livre audio gagne énormément à être à ces petites coupes. Alors, ce ne sont pas des extraits, parce qu'on ne fait pas des extraits. Et là, je suis d'accord avec vous. Je pense que je comprends votre point de vue, mais encore une fois, il s'agit de petites coupes destinées à valoriser, au contraire, à mettre en lumière un texte dans sa version audio. Mais alors, est-ce que le texte écrit n'aurait pas gagné à avoir les mêmes coupes dans ce cas? Parce que pas forcément. Si on trouve qu'il y a une longueur à l'oral, peut-être que, et l'admiration que j'ai pour Emmanuel Carrère, c'est un autre sujet. Mais... Non, mais peut-être que si, Sophie. Certains textes, en fait, on s'aperçoit, quand ils passent au gueuloir, comme disait Flaubert, on s'aperçoit qu'ils auraient peut-être gagné à être légèrement rabotés, absolument. Alors, je suis désolée parce que je suis obligée d'avancer dans cette émission puisqu'il y a plusieurs prix et donc on va continuer. Pour parler du Gaulois et de la manière de dire soi-même son propre texte, c'est une petite transition. Je vous propose qu'on écoute maintenant un extrait d'un livre audio très particulier que moi j'aime beaucoup. C'est donc L'Évolution de Pierre-Henri Gouillon, alors lu par l'auteur. C'est un cap. L'auteur est avec nous, on va le rencontrer, mais on va d'abord entendre, si vous voulez bien, on vous entend d'abord. Avec plaisir, merci, bonjour. L'un des plus grands spécialistes de l'évolution du milieu du XXe siècle s'appelait Théodosius Dobzhansky. C'était un Russe d'origine qui s'était installé aux États-Unis. Et il a dit une phrase qui a été répétée de nombreuses fois depuis. Il a dit « Rien en biologie n'a de sens si ce n'est à la lumière de l'évolution ». Pourquoi ? Eh bien parce que les êtres vivants sont issus d'un processus historique. Ils ne sont pas donnés tels quels par des lois. Ils ont été produits par ce processus de l'évolution. Et vouloir comprendre ce que c'est qu'un être vivant, c'est nécessairement se préoccuper de la façon dont ce processus historique a progressivement produit ces différents êtres vivants. Alors, la découverte de l'évolution a été un cheminement intellectuel long et difficile, qui n'est d'ailleurs pas totalement achevé dans nos sociétés, puisque de nombreuses personnes refusent ce fait encore aujourd'hui pour des raisons en général religieuses. Et cette découverte progressive de ce qu'est ce mécanisme a été en gros l'histoire de la biologie, de ses origines jusqu'à nos jours. Avant que la biologie ne soit une science, on parlait d'histoire naturelle. On regardait les animaux, les plantes dans la nature, et on racontait des histoires à leur sujet. On racontait des histoires dont certaines étaient vraies, que les plantes poussaient, qu'elles fabriquaient des fleurs, qu'elles fabriquaient des graines. On racontait des choses qui sont devenues progressivement fausses, comme par exemple le fait que certaines plantes pouvaient avoir des feuilles qui se transformaient en oiseaux ou en poissons selon où elles tombaient. On a raconté des choses fausses qu'on raconte encore, comme le fait que, pour faire un enfant, le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. Le papa ne met pas de petite graine dans le ventre de la maman, c'est faux. La graine, chez les plantes, est le produit de l'activité femelle. C'est le descendant de la plante. Et quand il y a des mâles et des femelles, ce sont toujours les femelles qui produisent les descendants. C'est même comme ça qu'on les définit. Alors, le papa met dans le ventre de la maman des chromosomes qui vont venir féconder la graine que produit la mère, en réalité. Tout ça pour dire que des histoires, il y en a eu beaucoup, que beaucoup étaient fausses, et que certaines survivent encore d'une certaine façon. Et certainement, d'ailleurs, certaines survivent sans qu'on sache encore qu'elles sont fausses. Pierre-Henri Gouillon, bonsoir, vous êtes avec nous sur France Culture. Donc, ce livre audio a été publié aux éditions de Vive Voix. Et là, c'est très particulier parce que je pense à ce qu'on vient de se dire avec Paul Duboucher, avec les acteurs. Mais là, franchement, ce qui est troublant, c'est qu'on ne sait pas du tout si vous lisez ou si vous racontez. C'est quelque part... c'est très mystérieux. Il faut que je le dise ou je dois laisser le mystère? Comme vous voulez, vous pouvez laisser le mystère. Mais... Non, en réalité, je donne de nombreux cours et de nombreuses conférences sur ce sujet. Et donc, c'est un sujet que je connais un peu par cœur. Mais il a été écrit. Ceci dit, j'ai pris des libertés par rapport au texte écrit dans ce livre audio. Et donc, ça a duré combien d'heures, cet enregistrement, cette manière de... Oh, ça nous a pris entre 2 et 3 heures. Ça a été assez rapide parce que, je vous dis, j'ai quand même un peu l'habitude. Oui. Mais je l'ai, voilà, j'ai largement improvisé, mais en réalité, le schéma, je l'ai dans la tête. Et c'est un sujet que je trouve fascinant personnellement, qui me plaît beaucoup. Et j'adore essayer de le faire passer aux gens, d'essayer de leur faire comprendre. En fait, il y a plein de choses à dire à propos de l'évolution. Il m'arrive de commencer en citant Raymond Devos, en disant, c'est mesdames et messieurs, je dois vous dire que je me suis fait tout seul, et que je me suis fait tout seul, et que je me suis raté. Et je me suis raté parce que je me faisais mal. Et mes gars, comme à chaque fois que je me faisais mal, on me disait, c'est bien fait, j'ai continué à me faire mal en croyant bien faire. Et alors, vous voyez, l'idée, c'est que, bien sûr, c'est Raymond Devos ou moi, on peut dire ça, mais tout le monde peut le dire, tout être vivant, au fond. On s'extasie devant le fait que les êtres vivants sont merveilleusement bien faits, mais quand même, quel ingénieur aurait l'idée stupide de faire entrer la nourriture, la boisson et l'air qu'on respire par le même trou, hein ? C'est complètement idiot. Hein ? Il suffit que ça passe dans le mauvais tuyau et on s'étouffe. Et ça fait des morts chez les nourrissons, chez les gens âgés. Tout ça, c'est horriblement mal fait vu de ce point de vue-là. L'évolution, c'est un bricolage qui a fonctionné sur quelques milliards d'années et qui a produit des choses qui fonctionnaient plus ou moins bien. Mais à chaque instant, évidemment, c'était celle qui réussissait le mieux à transmettre quelque chose qui mourait elle aussi. Mais c'était les choses qui étaient les mieux transmises qui se maintenaient. Et ça, c'est l'autre surprise qu'on a quand on découvre l'évolution, c'est que tout compte fait, l'évolution, elle n'est pas faite pour que nous, on soit bien. Nous, on est fait pour que les gènes, les informations génétiques et épigénétiques soient aussi transmises que possible. Nous sommes des sortes d'instruments de tout un système qui se reproduit. Et voilà, c'est un peu triste, le monde n'est pas fait pour nous. Mais bon, quand même, il a, d'une certaine façon, ça peut nous consoler, parce que s'il était fait pour nous, il serait quand même très très mal fait. Mais est-ce qu'il vous semble que le meilleur moyen de transmettre justement toute cette connaissance ou cette conscience, ben c'est plus facile finalement ou c'est mieux de le transmettre ou c'est autrement de le transmettre en racontant plutôt que finalement en lisant? Je dois vous avouer que je suis un homme de l'oral. J'aime écouter des gens, j'aime écouter des gens qui parlent, j'aime écouter d'ailleurs aussi de la musique. Et beaucoup plus que je lis, mais j'ai plus de facilité à écouter, et j'écris, mais j'ai plus de facilité à parler. Et quand d'ailleurs je dois travailler avec des collègues pour écrire quelque chose, je déteste la mode actuelle qui consiste à écrire des choses et puis à les envoyer par mail à l'autre qui va corriger tout seul dans son coin, et après ainsi de suite. Je trouve ça absolument affreux. Quand on doit écrire un texte à plusieurs, moi j'ai besoin d'être assis avec l'autre et on parle jusqu'à ce qu'on arrive à une expression qu'on pourra écrire parce qu'elle est aboutie. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'oral qui manque quand même un peu dans l'écrit. Donc pour moi, d'ailleurs, ça me fait penser à la discussion qui vient d'y avoir sur les aspects extraits. Je pense qu'effectivement, ça ne peut pas être tout à fait pareil, un texte oral et un texte écrit. Il y a nécessairement une différence et du coup, il peut y avoir des choses qui passent bien à l'oral et qui passent moins bien à l'écrit et réciproquement. Donc, et voilà, moi, pour ce qui me concerne, je suis beaucoup plus sensible à l'oral. C'est vrai que j'aime aussi les voix, j'aime entendre. Et puis, quand on parle, il y a plein de choses qu'on fait passer en plus du texte lui-même, parce qu'on met des intonations, on s'arrête par instant, voilà. Et évidemment, ça change un petit peu la façon dont l'auditeur va recevoir le message. Et vous êtes content d'avoir un prix ? Alors, je suis extrêmement content d'avoir un prix. Pour moi, c'est un grand plaisir, parce que justement, je suis tellement heureux de transmettre ces choses qui me passionnent. Souvent, on dit que la science, c'est ennuyeux. Et pour moi, le fait qu'un jury ait jugé que ce discours n'était pas ennuyeux, justement, pour moi, c'est un très, très grand plaisir, vraiment. Et je remercie profondément le jury pour ça. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'écouter des livres pour enfants ? Alors, pour enfants, ça ne m'arrive plus maintenant parce que les enfants de ma femme sont grands, mais ça m'est arrivé. Et c'est vrai qu'il y a des livres pour enfants qui sont absolument merveilleux. Maintenant, j'avoue que j'écoute des livres pour plus grands. Voilà, on vieillit. Alors, je vous propose de ne pas vieillir et d'écouter tout de suite un petit extrait d'un très joli livre qui s'appelle donc Albe, l'autre moitié de Sigrid Baffert, donc qui a reçu le prix de lire dans le noir dans la catégorie jeunesse. Baka veut apprendre à Taline une mélodie que lui avait transmise sa mère, laquelle la tenait de sa mère, qui la tenait de sa mère, qui la tenait de... Enfin, une mélodie qui vient de loin d'entre les mers. Une mélodie pour entrer dans la vie. Une mélodie qui aide à comprendre le dedans, le dehors, l'avant et l'après. Le pourquoi et le comment. Une mélodie qui explique le sens de la vie. Une mélodie qui fait pousser les branches des arbres généalogiques. C'est une mélodie couteau suisse, interroge Fraguet. Baka s'empare de sa clarinette et commence à jouer la mélodie. Pourquoi tu t'arrêtes ? Demande Fraguet. Baka happe le vide de ses grands yeux gris. Parce que je ne sais plus, j'ai oublié l'autre moitié. Ein Lorinkop, ein Lorinkop. Ça va te revenir, la rassure Taline. Le lendemain, Baka essaie de rejouer la mélodie. Les jours suivants aussi. Thank you. Ein Loch im Kopf. Ein Loch im Kopf, gémit-elle. Peu à peu, Fraguet se met à grossir, grossir. Fraguet, avachi sous la table, comme une question sans réponse. Bonsoir Sigrid Balfer. Bonsoir. Voilà, on vient d'entendre un petit extrait de Albe, l'autre moitié, donc un texte écrit par vous. C'était donc Elsa Zilberstein qui disait ce texte, et ce sont les éditions des Braques qui publiaient ce livre. Alors vous tenez beaucoup à dire, et je le comprends, que ce livre, c'est une aventure collective. Et donc je vais vous laisser d'ailleurs le plaisir de citer vos camarades, d'autres camarades, l'illustration par exemple. Oui, alors à commencer, la première personne que je souhaite citer, c'est Alexis Ciesla, qui est clarinettiste et le compositeur de la musique de Albe. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de monde, et notamment vous citiez l'illustrateur qui est Barou et qui a fait des illustrations superbes sur le conte. Maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes derrière, parce qu'il y a des musiciens, comédiens, narratrices. En fait, c'est un projet qui a commencé en 2009. Et le livre CD, la concrétisation matérielle de ce projet, mais il y a eu tout un spectacle avant et qui continue encore, et qui a eu plusieurs visages, plusieurs formes musicales. Voilà. Ça veut dire que vous avez adapté pour le livre disque un spectacle ? Alors, au départ, il y a eu... donc, le spectacle est né d'abord dans la tête d'Alexis Ciesla, qui est aussi enseignant au conservatoire de Saint-Priest, en région lyonnaise. Et donc, il est venu me voir parce qu'il voulait que j'écrive un conte qui soit mis après en musique pour sa classe de clarinette. Et puis après, ça a fait boule de neige. Les clarinettes, c'est devenu tout le conservatoire. Et puis après, c'est devenu un spectacle qui a été monté une première année, remonté l'année suivante. Et ensuite, on est allé trouver les éditions des Braques. On avait envie d'en faire, voilà, qu'il y ait une trace qui reste. Et donc, les éditions des Braques ont été embarqué avec nous dans cette aventure, et on a eu la chance que donc, le texte soit lu par Elsa Zilberstein. C'est formidable. Vous avez un prix maintenant, en plus. Et ça, c'est vraiment la super cerise sur le gâteau. C'est ce prix qui concrétise tout ça, et qui... ce qui est important aussi, depuis tout à l'heure, on parle de l'importance de l'oralité, mais vraiment découvrir un texte par la voix. Et là, on a eu vraiment un exemple concret avec Albe, parce que moi, j'ai entendu Albe par je ne sais combien de voix, et au départ par une voix masculine, et puis la voix d'Elsa Zilberstein. Donc, on a eu des couleurs et des visages d'un même conte extrêmement différent, et ça, c'est vraiment une grande chance pour un auteur. Paul Duboucher, vous êtes toujours avec nous. Vous avez aussi publié, vous avez du goût, je crois, pour les livres pour la jeunesse audio. Aussi. Oui, des livres CD, oui, bien sûr, c'est une partie très importante de notre activité, les livres CD pour la jeunesse. Et est-ce que les enfants sont... est-ce que c'est important de faire entendre des livres audio aux enfants ? Je pourrais poser la question comme ça. Pas seulement de lire, pas seulement de lire des livres. Je pense que c'est très important de faire entendre des voix aux enfants. Et c'est très important d'y adjoindre de la musique. Et c'est pour ça que je suis très sensible à ce que je viens d'entendre, parce que je trouve magnifique le tressage entre la clarinette et la voix d'Elsa Zilberstein, qui sont vraiment dans une tessiture très, très, très proche et très belle. Je pense que la voix, c'est musical. Hein, donc, et le musical pour l'éveil de l'enfant, c'est totalement premier. Je pense que par l'éveil musical, sonore, l'enfant s'ouvre à toutes les autres sensations. Donc oui, je pense que le sonore et le musical sont très importants. Sigrid Baffert, vous avez pu partager ce livre avec des enfants autour de vous? Oui, il y a déjà un certain nombre. Il y a beaucoup d'enfants qui l'ont entendu, notamment dans les salles de spectacle. D'ailleurs, on a été surpris avec Alexis parce que... Alors, là, on parle de livres pour enfants, mais Albe est vraiment de 5 à 105 ans. Ah oui. Et on a été surpris dans les salles parce qu'on avait des publics extrêmement variés. Et on a même vu des fois des enfants de 2 ans qui arrivaient dans la salle en se disant « Mais... Oh, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, là, dans l'extrait que vous avez entendu, c'est pas aussi probant parce que y a une musique extrêmement festive aussi dans Alve. Et en fait, les enfants n'ont pas bougé, on a eu de la chance, quoi. Et ils sont laissés embarquer aussi. Parce qu'il y a vraiment tout un cheminement musical qui est extrêmement varié dans Alve. Et on passe par des couleurs très... Et des ambiances musicales très, très, très, très variées. Textes et musique sont totalement imbriqués. Voilà. Alors, je conseille aux auditeurs de récupérer, d'acheter, de trouver tous ces livres audio dont on vient de parler là ce soir, qui finalement, en entendant les extraits différents, forment une belle bibliothèque finalement entre les voix toutes simples, lecture de Mapuche, ou la voix à nu finalement, ou le conteur, et puis aussi les voix mélangées avec la musique. Je crois que la chose assez merveilleuse quand on entend tout ça et qui s'impose, c'est que on a l'impression que la personne, quand on entend un livre audio, s'adresse à vous en particulier. Et ce rapport complètement... Et se crée un rapport intime, personnel, qui nous permet vraiment de nous approprier ce dont il est question, le texte. Enfin, je trouve d'une manière très, très forte. Oui, je suis d'accord. Il y a une vraie intimité qui se crée, pas seulement avec le livre papier. Sophie Massieu. Il m'arrive de lire des choses en braille aussi. Et pendant longtemps, j'ai cru que le rapport intime avec le livre était uniquement quand on le lisait soi-même. Mais en fait, maintenant, il y a une diversité de plus en plus grande du livre audio. C'est ce que je tenais aussi à souligner. Et merci les éditeurs de prendre parfois quelques risques. Oui, ils n'en prennent pas tous et pas tous beaucoup, mais quelques-uns en prennent d'éditer des choses qui ne sont pas forcément très grand public, qui peuvent le devenir par leur travail, justement. Donc il y a une plus grande diversité, il y a donc aussi une plus grande diversité de voix, etc. Et on peut avoir une vraie grande intimité avec les livres, je suis d'accord avec vous, Paul. Et c'est aussi parfois compliqué de retirer son casque à la fin d'un livre audio que de fermer son livre papier et de le poser sur la table basse. Il y a des voix qui nous manquent. Évidemment, la décence m'interdit de vous dire lesquelles, mais on s'attache au narrateur. Alors, je vous propose, puisqu'on est dans un endroit qui s'appelle Radio France et où des comédiens viennent aussi lire, et le président de L'Irre dans le Noir travaille à Radio France, et la créatrice de L'Irre dans le Noir travaille aussi à Radio France. Et je vous propose qu'on écoute tout de suite un petit extrait que je vais vous faire découvrir. C'est Lara Brulle qui va nous le lire ce soir en direct. Un petit extrait d'un livre de Jean-Christophe Bailly, où il parle de son père, qui était aveugle. C'est dans Le propre du langage. Quand j'eus à peu près 12 ans, mon père, des suites d'un diabète particulièrement tenace, perdit la vue. Comme il ne pouvait être question pour lui d'apprendre le braille, l'unique rapport qu'il eut dès lors à la lecture passa par la voix de ses proches, à commencer par ma mère et par moi. Plus tard, il utilisa aussi des cassettes enregistrées où les romans étaient lus par des voix anonymes. Les cassettes de livres lus par des acteurs n'existaient pas à cette époque. Et d'emblée, il devint un consommateur de radio encore plus grand que celui qu'il était déjà. Je me souviens de lui, s'isolant dans un coin de jardin avec son poste et utilisant un sufflet pour que nous le ramenions lorsqu'il en avait assez. Cette reconversion à laquelle il fut contraint par ses yeux morts transforma tout mon rapport au visible. D'abord, je dus comprendre qu'il pouvait disparaître sans que le sensible en général en fût affecté. Ensuite, et surtout, je fus naturellement amené à lui accorder une importance encore plus grande, du fait même de cette fragilité. Ce monde visible, éteint pour mon père, j'avais la charge de le regarder, pour lui, et de le lui raconter. L'idée que je me suis forgée, selon laquelle la littérature, même théorique, est avant tout descriptive, vient probablement de là. Comme mon père disposait du stock d'images que peut avoir un homme de 50 ans, nous nous amusions, oui, à comparer l'état de son stock à l'état de choses. C'était la forme de la ville, et particulièrement celle du Paris de la rive gauche, qui faisait l'objet de nos études comparatives. Il se remémorait une rue, la rue Saint-Jacques par exemple, et je lui disais ce qui avait changé et ce qui était toujours tel qu'en sa mémoire. Mais le souvenir le plus troublant que j'ai de ces années est d'une nature différente. À deux reprises au moins, en tout cas en ma présence, mon père exprima le désir de pouvoir toucher le visage d'une jeune femme et d'essayer par ses mains de s'en faire une image. Je ne sais ce que mon père ressentit en ces deux occasions avec ces deux visages, mais je me souviens du silence qui régna à table au cours de ce que par jeu et par pudeur aussi, nous considérions tous comme une expérience. Être aveugle donne des droits en compensation du tort subi, et mon père, qui par fierté n'en usait pas beaucoup, les utilisa ces jours-là sans mesure, quoique timidement, avec une précaution infinie, comme si quelque chose de la vue avait pu lui être ainsi rendu. Toutefois, au-delà de cet étrange jeu de Colin Maillard, où il savait qu'il ne perdrait jamais le bandeau, mon père ne put, nous avoua-t-il, se former une image à partir de ce que ses doigts avaient senti. Si je produis ce souvenir, c'est parce qu'il me semble que l'expérience à laquelle mon père se livra ces jours-là, et aussi dans une moindre mesure, à laquelle il se livrait tous les jours, en utilisant par l'entremise de ses proches ou de Louis, ou du toucher, des substituts à ce sens de la vue qu'il n'avait plus, constitue un archétype de toute expérience. Je veux dire qu'avec nos cinq sens en alerte, nous sommes toujours à la recherche, non d'un sixième sens, mais d'une exactitude qui le convoquerait tous ensemble et à la lumière de laquelle idées et vérités seraient embouties, deux et indivisibles. Quoique tout entier tenu par l'intention, le langage a connaissance de cette exactitude. Au jeu de Colin Maillard, le vainqueur est celui qui dit le nom de l'autre qu'il touche et qu'il ne voit pas. Mais entre le nom qui vient et la personne qui apparaît une fois le bandon découvert, il y a tout le paysage que les mains de mon père, doucement, exploraient. Ce paysage, les noms le touchent, et de plus près que nous le pensons, mais ils ne le connaissent pas tout entier. Et nous, avec eux sans fin, nous refaisons le chemin jusqu'à ce qu'une approximation nous gagne. C'était en direct de France Culture un extrait du livre de Jean-Christophe Bailly, Le propre du langage, publié aux éditions du Seuil. Continue cette émission avec deux membres du jury, en fait, qui sont donc là avec moi ce soir. Sophie Massieux, qu'on a déjà entendu tout à l'heure et qu'on va entendre de nouveau. Et puis Jean-Marie Ozanne, qui est libraire, éditeur à Montreuil et fondateur d'un festival qui s'appelle Vox, donc La Voix. Et j'aimerais bien, je vais peut-être commencer par donner la parole à Sophie, d'abord à la suite de ce texte de Jean-Christophe Bailly. Je n'ai pas dit tout à l'heure que Sophie Massieux, qui est avec nous, est aveugle. Merci, d'ailleurs. En général, c'est la première chose qu'on dit. Voilà, merci, alors j'ai attendu un peu la fin de cette émission et ce texte de Jean-Christophe Bailly, parce que lire dans le noir, c'est pas, évidemment, c'est pas seulement à destination des aveugles, c'est à destination de tout le monde. Mais dans ce jury, dans lequel vous participiez avec Jean-Marie Ozanne, j'ai trouvé que vous aviez un jugement incroyablement précis. Alors, je pense et je me demandais comment vous entendiez tout ça, vous. Je ne pense pas du tout que mon jugement soit guidé par ma cécité, en dehors de ma maladie et de mon antipathie pour les livres dont on enlève des petits morceaux. Mais en dehors de ça, je pense que mes choix sont le reflet de ma personnalité en général et pas du tout spécifiquement de ma cécité. Ça, j'en suis sûre. Mais quelle est votre perception justement de à la fois des voix et des textes à travers l'oreille? J'ai envie de vous dire que c'est la même que la vôtre. Vous avez deux oreilles comme moi qui fonctionnent de la même manière lorsqu'elles écoutent un livre audio, je pense. Je pense pas que nos oreilles fonctionnent de la même façon pour nous repérer dans l'espace, par exemple. C'est-à-dire que je pense que je les utilise plus que vous, mes oreilles, dans ce genre de situation. En revanche, pour la lecture, je pense vraiment qu'on a le même type de concentration, vous comme moi, que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Donc moi, ce à quoi je suis sensible, mais c'est pas en tant qu'aveugle, c'est en tant que moi, ça va être l'intonation, la voix. Moi, j'aime les livres épurés. J'aime pas qu'on me mette beaucoup de beaucoup de fanfreluches autour. J'aime Livre et Purée, évidemment, sauf exception, comme Albe, dont on parlait tout à l'heure, qui est une création musicale, vraiment. Mais sinon, un livre comme Mapuche, où il n'y a pas du tout de musique, moi, ça me va très, très bien. Je n'ai pas besoin qu'on m'en ajoute. Le texte et la voix suffisent à me porter. Après, dans le texte qui vient nous être lu, l'allusion aux cassettes, évidemment, ça m'a fait sourire, parce que tous les étudiants qui ont étudié il y a quelques années, comme moi, parce que c'est fini, je ne suis plus étudiante depuis un certain nombre d'années, ont eu aussi des piles de cassettes. Et donc voilà, ça m'a fait sourire et c'est une occasion pour moi de rendre hommage à tous ces gens qui m'ont prêté leur voix pour lire énormément de livres universitaires, et notamment à ma maman. Merci Sophie Massieu. Jean-Marie Ozanne, vous êtes un passionné de la voix, si je comprends bien, avec ce festival Vox. Et puis Oui, ça vient de la librairie. À la librairie, quand on reçoit un auteur, il ne reste pas assis derrière sa chaise. Il y a des lecteurs qui viennent et qui lisent son texte. C'est une pratique qu'on a maintenant depuis une quinzaine d'années, avec beaucoup de comédiens qui sont généralement dans les parages, qui sont à Montreuil, et à qui je téléphone, et s'ils le souhaitent, s'ils sont libres, ils viennent lire. Alors avec cette particularité que il y a parfois 5, 6, 7 lecteurs pour le même texte. Et donc on fait entendre des voix différentes, exactement sur le même texte. Festival Vox, c'est la première semaine de juin, mais toute l'année vous êtes à Montreuil avec votre librairie, et vous avez autant de goût à vendre des livres audio que des livres. Oui, alors en même temps, je fais partie de tous les libraires qui ont du mal à vendre du livre audio. Ça n'est pas facile. Les gens qui viennent dans une librairie feuillettent un livre et découvrent tout de suite quelque chose de ce livre. Le livre audio, ben quand ils le regardent, ils n'entendent pas de l'extérieur la voix. C'est difficile de vendre un livre audio. C'est aussi difficile parce que c'est un genre qui n'est pas complètement légitimé encore. Et le prix de lire dans le noir est un prix important parce qu'il aide effectivement à légitimer ce genre-là. C'est difficile aussi de donner un prix finalement, parce que les critères sont très très très différents selon les membres du jury. Et effectivement, on n'entend quand même pas de la même manière tous. Absolument. Mais ceci dit, alors déjà, sur les livres, hein, et heureusement, on a des choix très très différents. Mais c'est vrai qu'on a des débats, et on sent bien derrière ces débats qu'on est plus attiré par tel type de lecture. Je disais tout à l'heure à Paul que le comédien qui avait lu pour moi le texte de Romain Gary était certainement un des comédiens type d'une lecture quasi parfaite. Mais tu disais que le Mapuche, c'était pour toi un enthousiasme formidable. Donc on voit bien comment on a tous là des approches complètement différentes de la voix. Et puis, il y a le cadre qui change beaucoup. Dans Vox, on a des lectures qui sont dans la rue. Et là, c'est une voix qui est très projetée, c'est une voix qui doit résonner sur le béton. C'est déjà d'ailleurs même pas le même genre de texte. C'est une voix qui doit résonner dans la ville et le plus loin possible. Alors, je vous propose qu'on arrive petit à petit. On pourrait parler longtemps de la voix, du livre audio. On va laisser parler un livre. Et un homme livre, finalement, qui est Gabriel Dufay, en direct de la Maison de la Radio. Gabriel Dufay va nous lire un extrait de son livre qui s'appelle donc Hors-jeu, et dans lequel il parle de sa pratique d'acteur et de la voix. Ça s'appelle Voix et silence de la radio. Je ne pouvais pas terminer cette émission sans rendre un petit hommage à la radio. Gabriel Dufay. Pour tout comédien, la radio peut constituer une formidable école de transmission, d'humilité et d'humanité. Face au micro, seul avec le silence du studio d'enregistrement et les auditeurs invisibles, avec les mots des auteurs et la partition qu'il a sous les yeux, l'acteur n'est plus un pitre, un roi ou un pantin, il est une voix. Une voix, nue, devant le texte à lire, guidés par un réalisateur et des techniciens, tous unissant leurs forces pour créer des objets radiophoniques et servir la voix d'un auteur. Ici, le texte a le premier ainsi que le dernier mot, et ce n'est pas pour me déplaire. J'aime particulièrement que la radio est une maison où les voix peuvent circuler et flotter librement, s'exercer, se sculpter, se façonner, dire leur vérité. On oublie souvent qu'un acteur, c'est d'abord et avant tout une voix. Une voix, un timbre, un grain particulier qui vous charme, vous séduit, vous désarçonne, pénètre dans le creux de votre oreille pour y rester durablement. Comme pour Denis Podalydès, qu'il a évoqué dans son bel ouvrage « Voix off », les voix d'acteurs m'obsèdent et tournent inlassablement dans ma tête. Certaines voix, plus particulièrement, me captent immédiatement, me captivent, maintiennent mon attention vive et me donnent envie de découvrir l'auteur, le texte qu'elles servent avec brio. Voix de Jean-Louis Trintignant, feutrée et mystérieuse. Voix de Michel Bouquet, tranchante et métallique. Voix d'Alain Cuny, grondante et impériale. Voix d'André Marcon, décontractée et traînante. Voix de Delphine Seyrig, envoûtante et douce. Voix de Ludmila Michael, inattendue et fêlée. Voix de Dominique Raymond, calme et malicieuse. Toutes ces voix d'acteurs et d'actrices qui me sont devenues familières également à force de les entendre à la radio. Voix musicale, singulière et magique. Voix qui nous charment, nous séduisent et nous ensorcellent par leurs accents inattendus, par leur familiarité, leur unicité et la relation affective que nous tissons avec elles. Voix qui nous ramène à notre propre voix, qui souvent nous semble étrangère, loin, si loin de ce que nous sommes, dans les tréfonds de notre conscience, dans le dialogue que nous entretenons à l'intérieur de nous. Voix extérieure et voix intérieure se côtoient, s'affrontent. Je me perds dans les couloirs circulaires de Radio France, que tant de grandes et belles voix ont peuplées. J'entends l'écho de quelques enregistrements. Le silence des studios capitonnés me calme, m'apaise. Je me fantasme en voix des ondes. Je n'ai plus de corps, je ne suis plus qu'une voix, comme dans le poème du même nom de Robert Desnos. Une voix pour servir les poètes d'aujourd'hui et d'hier. Une voix réceptacle et interprète. Et cela me convient très bien. Je m'oublie, je me mets en veilleuse, je ne suis plus que les mots que je lis et qui passent dans ma bouche jusqu'au micro. Je suis accélération, ralentissement, rythme, inflexion, pensée, flux vocal. Sentiment fugace de plénitude, de coïncidence avec soi-même. J'entre dans le texte et je tâche de faire entrer dedans ceux qui m'écoutent. Si l'enregistrement d'une fiction, avec son temps de brèves répétitions, de reprises, de montage, s'apparente pour moi au cinéma, l'expérience du direct radiophonique s'apparente davantage au théâtre. C'est un saut dans le vide, sans filet. Le trac, avant d'avoir commencé, peut être immense. Le cœur bat fort, très fort, vite, très vite. La peur de saliver, d'avoir soudain la bouche trop sèche, les mots vont-ils sortir? Mais non, ça y est. Apparaît dans le studio le rouge de la lumière qui nous prévient que c'est à nous. On ne peut plus reculer. Alain Weinstein parle avec justesse de son expérience dans son livre « Radio sauvage » et évoque ce chant de solitude, jamais connu à ce point, couvre le micro chaque fois que le rouge s'allume. Dans la cabine de régie dominant le studio, quelques alliés nous aident à conjurer cette solitude. Le réalisateur et les techniciens, écoutant avec attention l'acteur qui lit, le reprenant, le dirigeant avec douceur. Ils sont seuls à entendre, à percevoir, à guetter dans les voix des acteurs la moindre faille, le moindre défaut de prononciation ou d'articulation. Derrière la vitre qui les sépare des acteurs, ils s'apparentent pour moi à de fidèles vigies, attentifs au sens et au son des mots, ainsi qu'au silence qui les environne. Car la radio, c'est aussi du silence que l'on perçoit, dans les voix authentiques et profondes qui font entendre les mots comme jamais on ne les avait entendus auparavant. Impossible de ne pas parler ici des voix d'écrivains, si familiers des mots, et qui font pourtant entendre dans leurs paroles tant de silence. La radio s'enrichit par la fréquentation de ces voix-là. Voix de Patrick Modiano, Jean Echenoz, Charles Julliet, Philippe Jacotet et Laurent Mauvignier, voix qui sortent de l'ordinaire, voix qui disent la difficulté de dire, voix lentes, douces, fragiles et étouffées, voix de réfractaires qui répugnent à jouer le jeu du tumulte, de l'agitation verbale, voix de grands silencieux qui s'expriment avec soin, méticulosité parfois, chérissent leur intériorité et se refusent à toute extériorité, ou s'y prêtent alors avec méfiance, avec prudence. Le silence sourd dans leurs paroles mesurées, à travers leur tâtonnement, leur hésitation, leur point de suspension. Voix de discrets qui prennent leur temps pour trouver le mot juste. Voix de la pensée au présent, qui résiste au flux continu de notre époque, à contre-courant de la parole politique qui fait des moulinets pour finir par ne plus rien exprimer. Voix paradoxales qui se cherchent, font entendre la source du langage et redonnent aux mots toute leur valeur. J'aime quand la voix se dévoile, quand les mots prononcés surgissent des tréfonds et se tiennent au plus près de la vérité de l'être. Quelle émotion que d'entendre à la radio une voix enfin audible qui soudain nous parvient. Une voix habitée et peuplée de silences. Des silences qui nous parlent. Ma radio idéale est faite d'éclats et de vérités, d'échos et de résonances, de silences et de murmures, loin du chaos et du tintamarre du monde. Avec elle, je trouve peut-être, enfin, ma voix. C'était un extrait de Voix et silence de la radio de Gabriel Dufay, lu par Gabriel Dufay et publié aux Belles Lettres. J'ai choisi ce texte parce que finalement il rassemblait toutes les expériences, je pense, des acteurs qui lisent pour les livres audio ou pour la radio. Cette expérience de la solitude, ce chant de solitude, comme le dit Gabriel Dufay, et ce chant de plaisir pour les auditeurs, que ce soit les auditeurs des livres audio ou les auditeurs de la radio. Voilà, c'était une émission entièrement consacrée, ou presque, au prix du livre audio décerné par l'association Lire dans le Noir. Nous avons pu entendre ce soir Aurélie Kiefer, Stéphane Devernet, Paul Duboucher, Sophie Massieu, Pierre-Henri Gouillon, Sigrid Baffert et Jean-Marie Ozanne. Je voudrais remercier Daniel Montaner pour l'association Lire dans le Noir et puis Caroline Ouazana au service de la fiction de France Culture. L'équipe de réalisation qui m'a accompagnée était Bernard Laniel, Jean du Cimetière, Lise-Marie Barré et Claude Guerre.